Il chante en bas. On ne se doute de rien. Le berger lui-même s'y est trompé en le voyant sauter de si bon cœur. Ça ne sera rien, maîtresse, ça ne sera rien. Un dernier coup de tonnerre, comme quand l'orage va finir. Dieu l'écoute. Mais j'ai bien peur, aussi je veille. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai quelques vers à soie qui ne sont pas encore éclos, il faut que je les surveille. Mais toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté en bas à chanter avec les autres? Oh, j'étais trop fatigué. Ah, le fait est, tu y allais d'un cœur à cette farandole. D'ailleurs, Vivette aussi a beaucoup dansé, c'est un oiseau, cette petite, elle ne touchait pas terre. Tu as vu comme l'aîné des Girons lui tournait autour? Oh, elle est si avenante. Ah, vous allez faire une jolie paire tous les deux. Bonsoir, je vais me coucher, mais... Frédéric, tu sais, si elle ne te plaît pas, seront au fait d'en trouver une autre. Oh, ma mère! Voyons, garde-moi, mon chéri, regarde-moi. On dirait que tu as la fièvre. Mais oui. Oui, la fièvre de Saint-Éloi qui fait boire et qui fait danser. Mais t'en vas donc pas, voyons. Mais tu t'en vas toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute-moi, cet homme qui est venu tout à l'heure. Quel homme? Cette espèce de gardien de chevaux. Ça t'a fait du mal de le voir, n'est-ce pas? Oh, c'était un moment de folie. Je t'en prie, ne me fais pas parler de ces choses. J'aurais peur de salir à remuer cette boue devant toi. Allons donc. Est-ce qu'une mère n'a pas le droit de tout savoir et de tout demander? Mon petit, ouvre-moi ton cœur. Ah, il me semble que si tu me parlais seulement un petit peu, ah, moi j'en aurais si long à te dire. Tu ne veux pas? Non, je t'en prie, laissons cela tranquille. Alors viens, descendons. Mais pourquoi faire? Ah, je suis peut-être folle, mais je trouve que tu as un drôle de regard cette nuit. Je veux pas que tu restes seule. Allez, viens aux lumières. Non. D'abord, tous les ans, pour la Saint-Éloi, tu me fais faire un tour de farandole. Cette année, tu n'y as même pas pensé. Allez, viens. Non. J'ai envie de danser, moi. Oh, j'ai bien envie de pleurer aussi. Oh, ma mère. Je t'aime. On ne pleure pas, bon Dieu. Eh bien, oui. J'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui. Il fallait bien s'y attendre. Après des secousses pareilles, on n'arrive pas au calme tout d'un coup. Il faut laisser aux choses le temps de s'apaiser. Oh, voyons, ne pleure pas, mais... Tout ça ne sera rien. Une nuit de bon sommeil à point fermé, puis... Demain, il n'y paraîtra plus. Et je ne songe qu'à oublier, moi. Je ne songe qu'à être heureux. Tu ne songes qu'à ça. Mais oui. Bien vrai. Bien vrai. Tant mieux alors. Bonsoir, mère, je vais me coucher. Être mère, c'est l'enfer. Cet enfant-là, j'ai menti mourir de lui en le mettant au monde. Il a été longtemps malade. À 15 ans, il m'a fait encore une grosse maladie. J'ai tiré tout, de tout, comme par miracle. Mais est-ce que j'ai tremblé, est-ce que j'ai passé une nuit blanche? Les rides de mon front peuvent le dire. Et maintenant que j'en ai fait un homme, maintenant que le voilà si fort, si beau, il ne songe plus qu'à s'arracher la vie. Me l'est à moi, ta vie, méchant garçon. Je l'ai donnée 20 fois. Elle a été prise jour par jour dans la mienne. Sais-tu qu'il a fallu toute ma jeunesse pour te faire tes 20 ans? Et maintenant, il voudrait détruire mon ouvrage. Oh! C'est vrai qu'il souffre bien aussi, le pauvre enfant. Son affreux amour le tient toujours. J'étais folle de croire que quelqu'un pourrait le guérir. Mais enfin, c'est pas ma faute. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que ce que j'ai fait? Je lui disais, prends-la, nous te la donnons. À moins d'aller la lui demander moi-même, la chercher moi-même. Ah, si je savais seulement où la trouver, cette drôlesse. Non, c'est trop tard, elle est partie. Il le sait bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut mourir. Il veut mourir. Oh. Comme c'est ingrat tout de même, les enfants. Moi aussi, quand mon pauvre homme est mort, qui me tenait les mains en s'en allant, j'aurais bien voulu partir avec lui. Quand tu étais là, toi, tu comprenais pas ce qui se passait. Tu avais peur et tu criais. Ah, dès ton premier cri, j'ai senti que ma vie ne m'appartenait pas, J'avais pas le droit de partir. Alors je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai souri. J'ai chanté pour t'endormir. Et quoique veuve pour toujours, aussitôt que j'ai pu, j'ai quitté mes coiffes noires pour ne pas attrister tes yeux d'enfant. Ce que j'ai fait pour lui autrefois, il pourrait bien le faire pour moi aujourd'hui. Oh, pauvre mère, nous donnons tout en ne nous rend rien. Nous sommes les amantes qu'on délaisse toujours. Pourtant, nous ne trompons jamais nous autres. Et nous savons si bien vieillir. Quelle nuit. Quelle veillée. Qui est là? Chut. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Couchez-vous et dormez tranquille. Il n'y aura rien encore cette nuit. Comment rien? Mais tu sais donc? Je sais que mon frère a un grand chagrin et que vous me faites coucher dans sa chambre de peur qu'il ne retourne son chagrin contre lui-même. Aussi voilà plusieurs nuits que je ne dors que d'un œil. Depuis quelque temps, il allait mieux, mais cette fois la nuit était bien mauvaise. Il a recommencé à pleurer, à parler tout seul. Il disait, je peux pas, il faut que je m'en aille. Et puis au matin, il s'est couché. Maintenant il dort. Et je me suis levée doucement. Doucement. Pour venir vous le dire. Pourquoi me regardez-vous comme ça, ma mère? Ça vous étonne que j'y voie si fin et que j'ai tant de raisonnement? Et vous savez bien ce que Balthazar disait. Il s'éveille, cet enfant. Il s'éveille. Est-ce possible? Oh, mon innocent. Mon nom est Jeannet, ma mère. Appelez-moi Jeannet. Il n'y a plus d'innocents dans la maison. Attends-toi, ne dis pas ça. Pourquoi? Ah, je suis folle, mais c'est ce berger avec ses histoires. Viens, mon chéri. Viens que je te regarde. Il me semble que je ne t'ai jamais vu, que c'est un nouvel enfant qui m'arrive. Comme tu as grandi. Comme tu es beau. Sais-tu que tu vas ressembler à Frédéric? Il y a de la vraie lumière dans tes yeux maintenant. Ma foi, oui. Je crois que maintenant, je suis éveillée tout à fait. Ce qui n'empêche pas que j'ai bien sommeil et que je vais aller dormir. Va, mon chéri. Vous voulez pas m'embrasser encore une fois, dites? Oh, si je veux. Je t'en dois tant de ces baisers-là. Va dormir, mon chéri, va. Plus d'innocents dans la maison. Si ça allait nous porter malheur. Oh, qu'est-ce que je dis là? Oh non, je ne mérite pas cette grande joie qui m'arrive. Ah non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne m'a pas rendu un enfant pour m'en prendre un autre. Mon Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Voici le jour. Ce sera comme dans l'histoire du berger. Elle s'est battue toute la nuit. Toute la nuit. Et puis au matin... Oh, c'est horrible. Quel réveil ils vont tous avoir ici. Mais c'est impossible. Je ne peux pas vivre. Tout le temps, je la vois dans les bras de cet homme. Il l'emporte. Il la serre. Ravissio Monti! Il t'arracherait bien de mes yeux. Frédéric, où vas-tu? Mais tu ne les entends pas? Là-bas, du côté des bergeries. Il l'emporte. Attendez-moi! Frédéric, mon enfant, écoute-moi! Emporte-moi là, d'abord! Frédéric, au nom du ciel, ouvre la porte! Frédéric! Oh mon Dieu! Mon enfant va se tuer! Maman! Frédéric! Tiens, regarde, Marc, à cette fenêtre. Tu verras si on ne meurt pas d'amour.